definite. BEP, we reppin' it. So turn me up, turn me up, turn me up. Come on, baby, just pump it. But do get shut like Flavor Shuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gon' turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Come on, baby, just pump it. Live and direct rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in to do they thing. Pump it louder, come on. Don't stop and keep me going. Do it, let's get it on. Move it, come on baby, do it. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Mon ami, faut les laisser parler. Every day, tu cherches des lovés, c'est pas easy. Avec la famille sous le dos. Marcher des coins petits faciles, y'aura toujours des gens pour te créer des problèmes. On peut pas plaire à tout le monde, maman. Laisse-les parler. Dans la vie, y a toujours des mauvais côtés. Oh. Laisse-les parler. Faut les laisser, c'est des jaloux. Oh. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Radio Mixfloor. What up, what up? Radio Mixfloor. Un max de son dancefloor. Yeah! Radio Mixfloor. Radio Mixfloor. Un max de son dancefloor. Un max de son dance floor. Allez, bienvenue les amis. Bienvenue les amis sur le Before Dance Floor. C'est Kev, j'espère que vous allez bien. C'est jeudi, c'est la dernière. J'espère que vous allez sourire. J'espère qu'on vous a fait passer une excellente semaine dans le Before Dance Floor. C'est Kev, j'espère qu'on vous a fait rigoler. En tout cas, c'est le nouveau son de David Guetta, les amis. Il va vous faire danser. Il va vous faire danser. Vous l'avez connu et vous allez le connaître grâce à Radio Mix Floor. Bienvenue tout le monde, c'est le Before Dance Floor. C'est Kev, bienvenue tout le monde. On est là. 20h, 21h, le Before Dance Floor. Avec Kev. Sur Radio Mix Floor. Yeah. Dancefloor. Selfish, but I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. Kev sur le Before Dance Floor, bienvenue tout le monde. Radio Mixfloor, un max de son. Allez, vous l'avez connu, vous l'avez découvert sur Radio Mixfloor, les amis. C'est tout de suite, c'est la bombe de Sia. Et oui, c'est la bombe de Sia, les amis. Dédicace à toi, mon ami Théo qui habite à Merville. Voilà, gros bisous hein, sur le Facebook, Kevin Hardy. Bienvenue tout le monde, c'est le Before Dance Floor. On est là jusqu'à 21h avec le sourire. C'est la dernière de la semaine. Et juste après, ça sera la libre antenne avec les défis. Bienvenue tout le monde, c'est Kev. No, no.

Allez, tout de suite, on se fait le top 10 des recherches les plus connes sur Google à l'heure d'aujourd'hui, les amis. C'est maintenant, c'est été fait par Google, évidemment, un petit sondage. C'est parti, le top 10. Donc, en 10e position, nous avons quelqu'un à marquer. Donc, si c'est vous, voilà, bisous à vous. La mère de M. Pokora fait quoi comme métier? Voilà. En 9e position, nous avons la photo. Alors, il y a quelqu'un qui a marqué photo des cuisses de mamie. En 8e position, nous avons quelqu'un qui a marqué Hélène Roche, voisine contexte socio-culturel. Eh ben, bah putain, lui doit vraiment se faire chier. En 7e position, il y a quelqu'un qui a marqué « Je veux rejoindre Al-Qaïda ». Oh putain, par contre, là, les amis, ça part un petit peu loin. Je crois que ça, il y a la radio mixeur, ça y est, on est dans la merde. 6e position, quelqu'un a écrit « Récit dressage de travesti ». En 5e position, quelqu'un a marqué « Comment contenter une femme ». En 4e position, « Comment fabriquer un casque biomam. En 3e position, comment manger du requin sur Metz. En 2e position, alors là par contre les amis, cette personne qui a marqué ça les amis, alors par contre là, j'ai envie de mettre la musique présidentielle les amis. Le salaire d'un ninja, voilà, quelqu'un cherche le salaire d'un ninja. Et en première position, quelqu'un a marqué achetez-toi son pubienne, voilà. Ça veut rien dire. En tout cas les amis, c'était le top 10 des recherches les plus connes sur Google à l'heure d'aujourd'hui. Et oui, en tout cas j'espère que vous avez le sourire. C'est la dernière de la semaine, on approche du week-end. On rappelle aujourd'hui, c'est les défis en plus dans la libre antenne. Ça va être bon dans quelques instants. On va se faire aussi un autre top. Je peux pas vous dire. Et tout de suite, vous avez reconnu derrière moi les amis. C'est quoi? C'est Maître Gims. Oh là là là là. Ça arrive dans quelques minutes. Dans quelques minutes, Maître Gims avec Yule les amis. Boucan, mais c'est juste après ça. Ne bougez pas, c'est qu'il y a jusqu'à 21h. Un max de son dance floor. Une cible facile, une maison isolée. Il est aveugle? Ça va être du gâteau. Jusqu'à ce qu'il s'y entre. Qui est là? Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi, Tomb Raider, la maison des ténèbres. Numéro 1 au box-office américain, Tomb Raider, la maison des ténèbres. Le 5 octobre au cinéma. Ceci est un message mythique réservé aux célibataires. Pourquoi? Parce que vous, les célibataires, vous savez bien que ce n'est pas ce matin que vous allez rencontrer quelqu'un au boulot. Et surtout pas la photocopieuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Mythic, la bonne personne, vous pouvez la rencontrer partout et surtout ailleurs. Mythic, voyez plus grand pour vos rencontres. Radio Mixplore. Linox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Je connais des personnes qui vivent avec le VIH. Avec l'une d'entre elles, je risque de tomber amoureux. M'engager dans un beau projet de vie ou avoir de merveilleux enfants. Aujourd'hui, les traitements empêchent la transmission du VIH vers d'autres partenaires. Partager sa vie avec une personne séropositive, c'est possible. Renseignez-vous sur préventionsida.org. Un message de la plateforme Prévention Sida avec le soutien de la COCOF et de la Wallonie. Radio Mixer, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. De quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. La sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, puis passe par ici. C'est plus de Nîmes, Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite la manif. Les petites grimes à l'épuissance. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières.

tout le monde touche. Tu n'as pas idée. Pourquoi verbaliser? L'ambiance est validée. Le terrain balisé. Laisse-les parler. Demain on aura tapé. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Alors les amis, welcome tout le monde, bienvenue. Ok, chez la production, elle me fait pas signe, tu vois, ça fait plaisir. Bref les amis, dans quelques instants, on se fait le top 10 des jeux les plus vendus depuis ces derniers 6 mois. Et oui les amis, c'est comme ça, c'est cadeau, voilà, c'est comme ça, on vous donne tout. Ici sur Radio Mixo, on vous donne toute l'actualité, grosse dédicace à Antoine qui nous écoute actuellement. Bienvenue tout le monde. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ses rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là. Me donner la mélodie, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me bats dans Paris, je me bats dans Paris, je me bats dans Paris, Paris, Paris, je me bats dans Paris, je me bats dans Paris, je me bats dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Le Before Dance Floor avec Kev sur Radio Mix Floor. Be responsible. Comme tout le monde, c'est Kev, je suis nouveau sur Radio Mix Floor, on est dans le Before Dance Floor, bienvenue tout le monde. Radio Mix Floor, un max de son. Allez, tout de suite, je vous l'ai promis, on se fait le top 10 des jeux les plus vendus depuis ces derniers 6 mois, parce que vous savez très bien que les jeux, il n'y a pas des jeux qui sortent comme ça tous les jours les amis. On va partir de la 10ème position, donc le 10ème jeu qui s'est le mieux vendu depuis ces derniers 6 mois, c'est Rainbow Six Siege. En 9ème position, nous avons le jeu Lego Marvel Avenger. En 8ème position, nous avons Naruto, voilà, donc en 7ème position, Minecraft. Pas mal, pas mal, donc un jeu qui est classé quand même mondial, parce que Minecraft est un jeu quand même assez pas mal et j'y joue et j'adore. En 6ème position, nous avons GTA 5 évidemment. 5ème position, nous avons FIFA 16, pas mal, 5ème position. En 4ème position, nous avons Call of Duty Black Ops 3. Putain, il est encore dans le classement lui. C'est un truc de ouf, même pas les derniers Call of sont dedans. Bah si, Black Ops 3 c'est le dernier, je suis con. Ouais si, il me semble, voilà, bref. En 3ème position, nous avons Far Cry, les amis, faut prendre un accent anglais. Je sais pas pourquoi je pense à être accent. D'un coup, je suis québécois. En deuxième position, Uncharted 4. Et en première position, nous avons Tom Clarice The Division, les amis. C'est le number one depuis ces derniers 6 mois. En tout cas, bienvenue dans le Before. C'est Kev. J'espère que vous allez bien, les amis. Tout de suite, c'est Rizza. Ah là là, Rizza, je m'en fous. Moi, je m'en fous pas parce qu'on est dans le Before. On est jusqu'à 21h. C'est Kev. Avec le sourire, c'est la dernière de la semaine. Je m'en fiche de ce que les gens pensent. C'est le regard qu'on me lance. Désormais, je m'en fous, et j'avance. Tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le tour. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi, je m'en fous. Et au fait, non, je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous.

Ah, c'est vrai je crois que ça s'entend un petit peu, je pense. Ah, ah, moi aussi, je suis tout le temps la goutte au nez, mais quand je vais pisser en fait. Le bout du nez. Bah, ah, si mais t'as fait la taille d'un nez. Chou, là ta femme. Pourquoi tu crois qu'on m'appelle Pinocchio? N'importe quoi. Il y a le bois en bois. Voilà, restez avec toi en tout cas. On j'adore mentir. Du gros son, on aura le tout nouveau David Guetta là tout à l'heure. On est quasiment au week-end en plus. Hein? On est quasiment au week-end. Bah, on est en week-end. Hein. On est jeudi. Non, on est en week-end jeudi soir. On nous, on est en week-end ce soir. Ah, mais on a week-end ouais. Dès lundi à Radio Xplore. On a également Maître Gims Niska. On avait trouvé un nouveau titre pour ça hier. En version ch'ti, elle avait son tcho. Elle avait son tcho, ouais. Elle avait son tcho, elle avait son tcho. Elle avait son tcho, elle avait son tcho. Ouais. Ce sera évidemment tout à l'heure et, la dernière bombe de Black M, moi je la kiffe. Hein. Askip.